Chapitre 6e. Monsieur et Madame Froget furent bien étonnés cette semaine-là, car ils reçurent des visites, et cependant ce n'était ni l'époque de leur fête, ni celle du jour de l'an. Une après-midi, vers 5 heures, comme Sébastien Froget, rentrant de sa promenade habituelle, déposait son chapeau sur le meuble depuis 25 ans consacré à cet usage, on sonna, et Gustave Miremont fit son entrée, sans être annoncé par la bonne, grosse champenoise qui de sa vie n'avait entendu parler d'annoncer les gens. « Monsieur Miremont, s'écria l'ex-professeur ébahi, vous avez pris la peine ? Dites le plaisir, mon cher maître, fit Miremont, épanoui comme un bouquet de roses. Le plaisir de monter pour savoir de vos nouvelles. En général, on ne se voit pas assez en ce monde, mais voici que de nouvelles relations vont me procurer le plaisir de passer souvent devant votre porte, et au risque d'être indiscret. Jamais, jamais indiscret, mon cher monsieur, toujours le bienvenu, n'est-ce pas, belle ? Interrompit joyeusement Sébastien en se tournant vers sa femme. Belle était un peu contrariée d'être surprise en bonnet de tous les jours par ce visiteur haut placé, mais il paraissait ne pas remarquer son bonnet, et elle se consola rapidement. Miremont parlait de choses extraordinaires. Il croyait au succès de l'exposition projetée. Il avait visité les travaux et assurait que tout marchait. Sébastien, qui avait lu le contraire dans son journal le matin même, avait quelque peine à l'en croire, malgré la haute opinion qu'il professait pour son ancien élève, et il lui semblait bien que celui-ci n'apportait pas en cette occurrence la sûreté ordinaire de son jugement supérieur. « Si cela vous intéresse, ajouta Miremont comme argument décisif, je pourrais vous faire entrer pour voir les travaux. Vous ne verrez pas quelque chose de bien intéressant, car ce n'est encore que la terre remuée, mais enfin, vous ne direz plus qu'on n'a rien fait. » La proposition paraissait alléchante. L'enceinte des travaux étant interdite au public, les yeux de Belle brillèrent de plaisir. « Je vous enverrai un permis, » conclut Miremont. « Bien entendu, vous pourrez amener avec vous mademoiselle votre nièce, si vous le désirez. »« Je suis sûr qu'elle sera très contente, » s'écria Sébastien. « Et même, » reprit Miremont, « si vous voulez bien me prévenir, quand vous aurez choisi votre jour, je pourrai me trouver là-bas pour vous guider et vous donner quelques explications. »« Nous n'oserions jamais vous donner cette peine, » murmura la tante Belle, rose de confusion. « Ce sera un plaisir, je vous le certifie. Je dois trop à mon ancien maître pour ne pas trouver une profonde satisfaction à lui prouver ma reconnaissance, » répliqua M. Gustave Miremont avec une douceur exquise. Il eut beau regarder la porte et rester jusqu'à 6h05, Camille ne parut pas. Il se décida à prendre congé, pensant que peut-être la jeune fille ne rentrerait pas pour dîner. Comme il descendait le large escalier de pierre à balustres de cette antique demeure, construite à une époque où le terrain ne coûtait pas si cher qu'aujourd'hui, il entendit un pas pressé dans le vestibule. Il se pencha et aperçut la silhouette élégante de Camille. Elle montait vite, s'étant un peu attardée dans ses courses et arriva presque sur lui sans l'avoir vu. En apercevant une forme humaine si près d'elle, la jeune fille tressaillit et leva les yeux. Son regard rencontra celui de Miremont, respectueux, tendre et décidé tout à la fois. Ce regard lui disait « Je suis venu pour vous et je reviendrai. Je ne sais pas encore ce qu'il faut faire pour vous plaire, mais je vous plairai, j'en suis sûr, car tous les moyens me seront bons. » Camille répondit par un petit salut sec à la profonde inclination qu'il lui adressait, pendant que son chapeau touchait les marches de l'escalier, et elle passa comme une souveraine devant son humble sujet. Elle ne put s'empêcher de se retourner cependant, lorsqu'elle lui atteint le palier, et ce mouvement, que Miremont, connaisseur en fait de femme, avait parfaitement prévu, lui fit perdre son avantage. Elle reçut en plein visage un autre regard qui signifiait « Vous êtes la plus forte, mademoiselle, grâce à votre sexe qui vous donne le pas sur le mien. Mais je suis le plus habile, et vous n'êtes après tout qu'une fille d'Ève. Cependant, mademoiselle, veuillez me croire votre admirateur humble et dévoué. » Il acheva de descendre l'escalier pendant qu'elle achevait de le monter, et il s'en alla content. Elle rentra chez ses parents très irrités, l'orgueil inquiet, et cependant sa vanité demeurant chatouillée par l'hommage de cet homme qui lui déplaisait. Le dimanche suivant, le roulement d'une petite voiture trouble les échos endormis de l'escalier, puis une voix d'enfant claire et fraîche fit résonner du haut en bas la grande cage sonore, et pendant que la concierge étonnée se demandait chez lequel de ses vieux locataires pouvait aller toute cette jeunesse, Madame Brécard, son fils dans les bras, sonna à la porte des époux Froget. Ce fut la tante Belle qui vint ouvrir, car c'était le jour de la sortie de la bonne, et tout d'abord elle ne reconnut pas la jeune femme, qu'elle n'avait pas vue depuis 10 ans au moins. « Voilà ce que c'est, » dit Claire en riant. « La tante Belle ne sait pas qui je suis, et moi je suis venue voir la tante Belle. Où est l'oncle Sébastien ?»« Claire, Claire Loger ?» s'écria enfin la bonne dame, mettant un nom sur ce visage oublié. « Madame Claire Brécard, s'il vous plaît, avec son fils Félix, l'héritier de toute la gloire de son papa et de toutes les ambitions de sa maman. Embrassons-nous toutes les deux, chère tante Belle, car nous vous aimons bien. Allez !» Madame Froger, que lors de ses voyages à Saint-Martin jadis, tout le monde appelait la tante Belle, on ne sait pas pourquoi, peut-être à cause de sa bonté maternelle, qui la faisait tendre pour les enfants des autres, à défaut d'enfants elle, Madame Froger se hâta d'appeler Sébastien et Camille. Sébastien accourut, et plus avisé, n'eut pas besoin de regarder deux fois la visiteuse pour la reconnaître. Il lui tendit les bras, et Félix se mit immédiatement à lui grimper aux jambes. Camille se fit plus attendre. Elle consacrait l'après-midi des dimanches à lire des livres pieux, et pour rien au monde n'eût laissé la méditation commencer. Elle arriva enfin, embrassa son amie, dit bonjour à l'enfant sans lui faire de caresse, ce dont le sage garçon se garda bien de se plaindre, et aussitôt, une sorte de brouillard sembla s'étendre sur la petite société. Camille était trop parfaite pour prendre aux faiblesses humaines l'intérêt que les deux dames portaient à 100 détails futiles. Que lui importaient les menus cancans de Saint-Martin, les morts ou les mariages de ce trou de province où elle avait passé les premières années de sa vie n'avaient point d'importance pour elle. Son esprit, qu'elle s'efforçait sans cesse d'élever vers la perfection, était au-dessus de ses frivolités et l'on cessa d'en parler. Cependant, comme Madame Froger et Claire elle-même étaient aussi incapables l'une que l'autre d'entretenir une conversation appropriée à la gravité du dimanche, la jeune femme prit bientôt congé de ses amis, non sans leur avoir fait promettre de dîner chez elle le jeudi suivant. « Tu viendras aussi, bien entendu, » dit-elle à Camille. « Nous tâcherons de faire une partie de bouillotte après dîner. N'est-ce pas, Monsieur Froger ? Vous voyez que je connais encore vos goûts. » Elle s'en alla. Le bruit de la petite voiture se fit entendre sur les dalles du vestibule, et les deux vieillards se regardèrent en souriant. Il leur semblait qu'un rayon de soleil avait visité leur maison. Leurs yeux se reportèrent sur Camille, et la tiédeur, la lumière de ce rayon, s'évanouirent aussitôt. « Quelle aimable femme !» ne put cependant s'empêcher de dire Sébastien, encore sous le charme. « Oui, mais bien frivole !» répondit Camille. « C'est de son âge !» dit Madame Froger, sentant le besoin d'excuser cette frivolité charmante qui lui paraissait très bénielle. Nous sommes à peu près contemporaines, fit observer la jeune fille d'un ton froid. Je regrette que les années et le mariage n'aient pas apporté à Claire un sentiment plus vif de ses devoirs et de sa responsabilité. Le rayon de soleil avait tout à fait disparu. Les époux consternés échangèrent un coup d'œil. Camille était si parfaite qu'en effet elle avait le droit d'être sévère. Cette petite Madame Brécard n'aimait pas les conversations sérieuses, mais elle avait pourtant l'air d'une bonne mère et semblait adorer son mari, et Madame Froger proposa un tour de promenade pour changer le cours de leurs idées. Camille sut se dispenser de la visite au Trocadéro, dont ses parents rapportèrent une forte courbature et beaucoup de terre glaise à leurs chaussures. Mirmont, qui les avait promenés dans tous les endroits inaccessibles au public, rapporta de son côté une colère concentrée contre cette Péronnelle qui lui avait fait perdre sa journée, et il se promit bien de le lui faire payer quand il la tiendrait. Le dîner chez M. et Mme Brécard eut lieu dans toutes les règles, et en rentrant chez eux, les époux Froger convinrent qu'ils ne pouvaient faire autrement que de rendre ce dîner, et par la même occasion d'inviter M. Mirmont, qui avait été si aimable pour eux. L'annonce de cette résolution provoqua chez Camille ce qui chez tout autre eût été de la mauvaise humeur. Pour elle, ce fut une résignation pleine d'humilité à cette nouvelle épreuve de la destinée. Au fond, le nom était différent, l'effet fut exactement le même. Avec un visage résigné, elle aida sa tante à descendre des placards les plus lointains le beau service de porcelaine blanche à filets d'or, qui n'avait servi en tout que 5 fois. Elle essuya, pièce par pièce, les assiettes, les compotiers, les petits pots de crème et même leurs couvercles, avec l'apparence d'une vierge chrétienne marchant au supplice. Elle visita les magasins de cristallerie du faubourg Poissonnière pour appareiller le service de cristal, dont plusieurs pièces avaient disparu, de par cette loi mystérieuse qui veut que les verres dont personne ne se sert jamais s'évanouissent sans qu'on y ait touché, comme une vaine fumée ou une bulle de savon, plus vaine encore. Elle aida sa tante à repasser le beau linge damassé jauni par l'âge et à faire des corbeilles avec les serviettes pour y placer les petits pains. Elle se rendit à la halle avec la bonne pour s'assurer que le poisson serait bien choisi, mais elle refusa obstinément de mettre les pieds dans la cuisine. « Il me semble cependant, disait sa tante désolée, que tu pourrais bien me dire s'il faut ajouter du sucre au petit pot de crème et si le courbouillon des écrevisses est assez épicé. » « Je n'entends rien à ces choses-là, ma tante, répondit avec fermeté notre héroïne. Ne me faites pas faire ce qui n'est pas de ma compétence. » Madame Froger, pour la première fois, se demanda si Camille était aussi parfaite qu'elle l'avait cru jusqu'alors. Mais ce n'était pas le moment de discuter une question aussi grave. La crème n'attend pas, et les écrevisses réclamaient impérieusement leur courbouillon. L'excellente femme remit à des temps plus opportuns la solution du doute qui venait de s'élever dans son esprit. Au moment de mettre le rôti devant le feu, Madame Froger regarda autour d'elle et se vit toute seule. Sébastien venait de partir à la hâte pour rappeler au pâtissier une commande oubliée. La bonne était allée chercher la salade à laquelle personne n'avait pensé. La concierge, investie du tablier pour la circonstance, était allée donner un coup d'œil à sa loge. Après tant de tumulte, cet isolement parut singulier à la vieille dame. « Où est donc Camille ?» se demanda-t-elle. « Il y a 100 choses à faire et me voilà toute seule. » Elle passa dans la salle à manger. Là, rien n'était plus à faire, le couvert symétrique était irréprochable. Le coup d'œil de la maîtresse de maison s'assura que personne n'aurait fait mieux ni plus correctement. Mais où donc était la jeune fille ?« Camille !» cria la bonne dame. « Où es-tu »« Dans ma chambre, ma tante, je m'habille. » C'était son droit. Madame Froger poussa un soupir et retourna à son laboratoire. Ah, si elle avait une fille ! Camille était bien gentille, parfaite de tout point, mais elle n'aimait pas la cuisine. Elle n'aimait pas non plus à nettoyer les bronzes ni à passer les meubles à l'encaustique. Si Madame Froger avait eu une fille, elle lui eût enseigné les 200 ou 300 recettes qui avaient fait de M. Froger le plus gourmand des professeurs et de son appartement le plus séduisant des sanctuaires domestiques. Comme la pauvre belle poussait son second soupir, ses acolytes rentrèrent et l'activité la plus fiévreuse régna dans le laboratoire. On sonne. Et la tante belle est encore revêtue des insignes du cordon bleu. Qui va recevoir ses hôtes ? Par bonheur, au moment où la bonne effarée ouvre la porte, sur le seuil du salon apparaît Camille. Camille avec une rose rouge dans les cheveux, une autre douillettement couchée dans les dentelles de son corsage pas mal échancré. Camille, décolletée. On voit pour la première fois le cou blanc et les bras élégants de Camille. Avant que la tante belle, qui regarde par la fente de la porte de la cuisine, ait eu le temps de frotter ses yeux éblouis, le salon s'est refermé et Gustave Miremont a suivi Mademoiselle Froger. Pendant que les derniers préparatifs s'achèvent et que la tante belle esquisse en hâte une toilette de cérémonie, M. Miremont n'a pas perdu son temps. Non qu'il ait fait de grands frais d'éloquence, car après leur conversation muette dans l'escalier, le dialogue n'était pas très aisé pour ces deux personnages, mais que de regards pleins d'une admiration aussi vive que respectueuse sur les deux roses et leurs appartenances. Et il fallait parler, cependant. C'est ici que la diplomatie fit ses preuves. « Vous devez être bien heureuse, mademoiselle, » glissa insidieusement l'ancien élève de M. Froger. Le regard de Camille indiqua sans détour que, ne se croyant point si particulièrement favorisée de la Providence, elle attendait une explication. « Vous avez retrouvé ici une amie d'enfance ?» continua Miremont. « Ah oui !» Camille laissa tomber ces deux mots avec un suprême dédain. « Vous vivez très retiré. Ce sera peut-être pour vous une occasion de rentrer un peu dans le monde, ce monde où vous seriez si fêté, mais que vous dédaignez. »« Je ne le dédaigne pas !» répondit froidement Camille. « Le monde et moi n'avons rien à nous dire. »« C'est votre opinion, ce n'est pas la nôtre, » répliqua galamment le fonctionnaire. Camille indiqua d'un geste que cela lui était bien égal. « Fort bien, » pensa Miremont. « Mais pourquoi ces deux roses rouges dans ses cheveux bruns et sur cette peau blanche ?» Comme il posait cette question, la sonnette retentit. Camille, qui connaissait le nombre borné des convives, put se défendre de tressaillir, mais elle ne put empêcher le sang de descendre de ses joues pour y remonter vivement l'instant d'après. « Celui qui va entrer la tient au cœur, » se dit Miremont, et avec une indicible curiosité, il attendit le nouvel arrivé. Oh, surprise ! Claire Brécard entra vêtue d'une robe de laine toute simple, mais jolie comme un pastel de la tour et portant une grosse gerbe de fleurs. « Bonjour, » dit-elle à Camille, tout en jetant un petit salut en réponse à la majestueuse inclination de Mirmont. « Je parie que tu n'as pas de fleurs dans la salle à manger. Ne dis pas non, ce serait un mensonge. »« Je ne mens jamais, » proféra dignement Camille. « Moi non plus, donc il n'y a pas de fleurs dans la salle à manger. Je te connais, il y aura des hors-d'œuvre choisis, mais pas de bouquets. Les bouquets sont une inutilité, un luxe malsain. Pas parce qu'ils donnent mal à la tête, toutefois, mais parce que c'est un luxe. » Camille écoutait ce discours, ou plutôt n'écoutait pas. Les yeux tournés vers la glace qui faisait face à la porte d'entrée, elle se demandait si par hasard Claire serait venue seule. Tout à coup, elle reprit à deux fois sa respiration, et Mirmont, qui tout en feuilletant un album la regardait innocemment, aussi dans la glace, ne put s'empêcher d'avouer que celui qui était entré était un bien beau garçon. « Bonsoir, mademoiselle, » dit à Camille le nouveau venu. Avant que Mirmont, stupéfait, eût pu se demander pourquoi il ne disait rien à la jeune femme, celle-ci l'apostropha vivement. « Paul, je parie que tu as oublié les roses mousseuses. » Pendant qu'il retournait chercher les roses dans l'antichambre où il les avait laissées, Mirmont promenait ses regards de l'une à l'autre des deux amis. « C'est le mari de l'autre, » se dit-il, « voilà une aventure. » La seconde réflexion fut moins morale que philosophique. « Le regaillard, » se dit-il, aimé de ces deux jolies femmes. Sont-elles assez jolies toutes les deux? Il y a des gens qui ont de la chance. » Monsieur et Madame Froger se précipitèrent ensemble dans le salon, s'excusant d'être en retard, et Claire profita des présentations pour les disposer ses bouquets dans la salle à manger. « Je savais bien, » se dit-elle en promenant son regard satisfait sur les roses qui s'épanouissaient, grâce à elle, dans des coupes de cristal aux deux bouts de la table. « Je savais qu'il n'y aurait pas de fleurs ici. » « Camille est trop austère. Tiens, elle a mis des fleurs sur elle. C'est bien la première fois de sa vie. Est-ce que ce serait pour ce monsieur? Ah, si on pouvait la marier, je serais bien contente. » En terminant cette réflexion, Claire prit deux roses mousseuses et les planta n'importe où, après quoi elle rejoignit les autres. Le dîner fut excellent, tout marcha à ravir. Une certaine crème au chocolat, disposée dans les légendaires petits pots, fit pâmer d'aise Mirmont, qui était moderne, mais qui était aussi fort gourmand. Est-ce assez bourgeois? Se disait-il en aparté. Il n'y a plus qu'à l'île Saint-Louis et dans les environs de la place des Vosges que l'on trouve une crème aussi parfaite, et dans des petits pots encore. Quand les liqueurs eurent fait leur apparition, dans la cave à liqueurs bien entendu, la compagnie passa au salon et quelques duos succédèrent au sextuor du dîner. Claire, qui n'avait cessé d'observer Mirmont pendant leur pas, s'approcha de la tante Belle, à moitié anéantie dans un fauteuil, et lui mettant la main sur l'épaule. « C'est un prétendant pour Camille, ce beau monsieur-là ? » lui dit-elle tout bas. Madame Froger tressaillit et la regarda tout effarée. « Qu'est-ce qu'il vous a dit ? » commença-t-elle. Mais le sourire et les bons yeux de Claire ne respiraient aucune malice. « C'est bien facile à voir, ma bonne tante Belle, et vous ne l'avez invité que pour cela. Est-ce qu'il lui plaît ? » ?»« Je ne crois pas. » murmura piteusement Madame Froger. « Et moi, je croirais assez que si, » répliqua la jeune femme en regardant à l'autre bout du salon. Debout, Camille causait avec Mirmont et, si elle se montrait toujours dédaigneuse, elle ne semblait pas pour cela trouver le fonctionnaire indigne de sa conversation. Elle riait par moments et découvrait ses dents blanches un peu trop aiguës mais si bien rangées. Sa main jouait avec les feuillets d'un livre et son poignet blanc se détachait sur sa robe noire avec l'éclat d'une belle fleur d'arôme. « Je trouve même qu'elle est passablement coquette avec lui, » conclut Madame Brécard. « Camille, coquette !» Madame Froger regarda Claire avec stupéfaction, mais celle-ci parlait sérieusement. Elle reporta alors les yeux sur sa nièce. En vérité, pour quiconque ne l'eût pas connue, Camille eût semblé coquette. Elle avait une manière de baisser les yeux et de les relever en plein sur son interlocuteur, qui avait une ressemblance bizarre avec le manège ordinaire de la coquetterie. Mais Camille, elle était bien trop parfaite et méprisait trop les hommes pour qu'on pût la soupçonner d'une pareille inconséquence. C'est ce que Madame Froger expliqua à la jeune femme avec toutes les circonlocutions nécessaires. Claire l'écoutait en souriant, et son regard plein d'une innocence malice se croisa avec celui de son mari qui expliquait non loin de là à l'excellent M. Froger le mécanisme compliqué des études de l'école centrale. Paul Brécard s'amusait. Faire pénétrer les découvertes modernes dans une vieille âme aussi neuve que celle d'un ancien professeur de belles-lettres paraissait au jeune ingénieur une des choses les plus divertissantes qu'on pût imaginer. Enchanté de voir que sa femme avait aussi trouvé de quoi s'amuser, il lui adressa un signe d'amitié imperceptible pour tout autre et reprit le fil de son discours. « Malheureusement, dit en soupirant Madame Froger, Camille a trop peu d'occasion de se produire dans le monde. Vous voyez ce monsieur, je pense qu'il a été frappé de sa beauté et de ses autres qualités. Eh bien, je ne puis pourtant pas l'inviter tous les jours, et comme il ne peut l'avoir que chez nous, cela va peut-être traîner longtemps. Vous savez, ma petite amie, je n'ai pas confiance dans les mariages qui ne se font pas tout de suite. » Claire eut un bon mouvement. « Chère madame, dit-elle à la tante Belle, je comprends votre embarras. Et si je puis vous venir en aide, je le ferai avec grand plaisir. Connaissez-vous bien ce monsieur Mirmont ?» Madame Froger expliqua l'ancienne affection, les excellents rapports qui liaient Mirmont et son mari, et s'étendit sur les mérites du célibataire comme s'il avait été son pensionnaire depuis l'âge de 7 ans et n'avait jamais quitté ses jupes maternelles. Les gens qui ne connaissent rien du monde ont ainsi une facilité extraordinaire à prêter aux autres le caractère qu'ils leur souhaitent. Rien n'est plus dangereux, car rien n'est plus erroné que les renseignements ainsi fournis par des âmes simples qui voient dans les autres leur propre image. Dans la bouche des époux Froger, Mirmont devenait l'homme modèle, le fonctionnaire admirable, le célibataire vertueux. On eût demandé à la tante Belle, si Mirmont avait eu des maîtresses, qu'elle eût levé les mains vers l'Empiré avec une indignation sans bornes. Madame Brécard, quoique jeune et vertueuse, par cela même qu'elle était femme et femme du monde, voyait un peu plus clair que la tante Belle. À la même question qui eût scandalisé la vieille dame, elle n'eût point levé les bras au ciel et se fut contentée de répondre par un sourire et un silence prudent. Mais sur tous les autres points, elle n'avait aucun motif pour récuser la compétence de sa vieille amie et elle accepta M. Mirmont comme un homme accompli d'une moralité irréprochable, ce qu'il était certainement en tout ce qui ne touchait pas au beau sexe. Quittant sans cérémonie Madame Froger, qui d'ailleurs tombait de sommeil, Claire se dirigea vers son mari et profitant du premier point et virgule qu'elle rencontra dans son discours, elle le prit à part. En deux mots, elle lui expliqua les espérances de la tante Belle, les vertus de Mirmont, la difficulté de marier Camille sans la faire boire un peu, la charité qu'il y aurait à lui prêter un appui moral, et par un plaidoyer à voix basse, aussi court que bien senti, elle enleva le consentement de Paul, un peu ahuri, à un projet qu'elle venait de former. « Tout ce que tu voudras, je m'en rapporte aveuglément à toi. » Paul retourna au vieux professeur qui l'attendait avec impatience, désireux de suivre le mouvement. À vrai dire, le mouvement était un avant de 20 années, et quelles années, les plus belles et les plus fécondes pour la science, sur les idées les plus nouvelles de l'excellent homme. Il apprit ainsi d'un coup les découvertes de Claude Bernard, celles de Berthelot, celles de Pasteur, et dans un autre ordre d'idées, les succès d'Émile Zola. À chaque trait de lumière, il répétait en frappant sa main droite sur son genou « Mon Dieu, comme le siècle marche, comme il marche !» Mirmont avait fini par quitter Camille pour se rapprocher des deux dames, et chose étrange, la jeune fille, qui ne se souciait peu de lui, ne se vit pas délaissée sans un mouvement de dépit. Quand il se fut assis auprès de Claire, elle ne put s'empêcher de se placer assez près pour entendre leur conversation. Quelle conversation banale et frivole, et que cette Claire était insignifiante! Il suffisait à un homme intelligent comme Mirmont, car il était intelligent, c'était incontestable, de se trouver auprès d'elle pour que l'entretien tombât aussitôt dans les vulgarités de la vie ou les futilités mondaines. Il parlait du dernier roman de X, un livre indigne, dont le titre seul avait fait baisser les yeux à Camille, qui, naturellement, le déclarait d'autant plus indigne qu'elle n'eut jamais voulu le lire. Des Fontaines Wallace, de la salubrité publique, d'un opéra italien qui n'avait pas eu de succès, de Mounet Sully dans le répertoire classique, de l'éléphant du Tour du Monde, et par transition, du jardin d'acclimatation et de l'intraitable Toby. Puis Toby et sa détestable jalousie mirent sur le tapis les différents systèmes d'éducation, et ne voilà-t-il pas que cet absurde clerc, foulant aux pieds la morale et le respect de la maternité, osa parler des défauts de son fils, comparés à ceux d'un jeune éléphant d'un caractère difficile. Pour le coup, Camille n'y tint plus, et son regard plein de pitié se tourna vers le pauvre Paul, qui était si mal tombé dans le choix d'une compagne. Paul n'avait pas l'air de se douter de son malheur. Bien éclairé par les bougies du piano et les lampes de la cheminée, il parlait avec animation, Il aimait la science, il l'aimait avec passion. Il la voyait chaque jour se développer et s'étendre avec la joie d'un père qui voit grandir son fils, avec celle d'un citoyen qui assiste à la gloire de son pays, avec quelque chose de plus large, de plus élevé, de plus impersonnel que tous ses sentiments, et que ceux-là seuls connaissent qui aiment la science et les hommes. Il en parlait en fils dévoué, en amant passionné, et avec cette part de modeste orgueil que ressent l'ouvrier d'une grande chose, celui qui sait que son labeur est utile et comptera dans l'édification du temple. Il était beau en parlant de ce qui lui remplissait l'âme, et si Camille ne comprenait rien à ses paroles, elle ne put qu'admirer son éloquence et l'expression de son visage. Les femmes admettent facilement que l'homme qu'elles aiment vive dans un monde qui leur est étranger. Elles se contentent de la part qu'il leur donne et lui permettent de passer le meilleur de sa vie dans un ordre d'idées qu'elles ignorent absolument. De là vient leur empire sur les dépravés, qui ne voient en elles qu'un délassement à leurs travaux d'un ordre plus élevé. De là vient aussi leur faiblesse dans les moments où leur bonheur se trouve en balance avec le devoir ou l'intérêt des hommes. Que ne peuvent-elles savoir ce qu'elles perdent en dignité et valeur morale aux yeux de leur mari, quand elles abdiquent le droit sacré de partager ses fatigues, ses travaux, ses peines, et aussi la récompense de ses peines. Camille n'en cherchait pas si long. Que lui importait la science, et la philosophie encore bien moins. Les hommes s'occupaient de ces choses, et les femmes devaient les ignorer, par modestie, par pudeur féminine. Une femme très instruite, aux yeux de Camille comme aux yeux de beaucoup d'autres, était un peu déclassée et passablement blâmable. Le devoir d'une femme bien élevée est de ne pas chercher à s'élever au-dessus de son sexe. Paul continuait à parler, et Camille à le regarder. La musique de cette voix virile la charmait jusqu'à l'extase. Que n'eût-elle pas donné pour l'entendre parler d'elle à elle-même, avec cette chaleur et cet enthousiasme? Soudain arrêté par un défaut de mémoire, il s'interrompit, chercha dans sa tête, ne trouvant pas, et impatienté, il jeta à sa femme. « Claire, comment s'appelle le célèbre astronome russe, tu sais ?»« Struve, » répondit tranquillement sa femme, en continuant la phrase qu'elle adressait à Mirmon. « Struve, c'est cela. » Et Paul repartit de plus belle. Camille resta rêveuse, bercée par cette voix aimée. Claire s'occupait de ces choses, elle savait les noms de ces gens. Ce ne pouvait être qu'un hasard. On ne mêle pas ainsi les astronomes russes et les éléphants du jardin d'acclimatation. Mirmo observait les yeux de Camille et se disait qu'elle était sérieusement prise. Le calme de Claire l'étonnait. Il ne pouvait s'expliquer qu'elle ne s'aperçut pas de ce que pensait son amie et en même temps, mille pensées indistinctes se mettaient à flotter dans son esprit. Enfin, Paul termina son discours et Claire se leva pour partir. « Vous dînez chez nous dimanche, » dit-elle aux époux Froger. « Toi aussi, Camille. » « Mon mari a l'intention, monsieur, » dit-elle à Mirmon, « de vous prier d'être des nôtres. » Paul ajouta quelques mots et Mirmon, poussé par un instinct de perversité, accepta sans vouloir se demander dans quel but on l'invitait. Il lui en eut trop coûté de s'avouer qu'on le regardait comme un prétendant, lui qui n'avait, à l'égard de Camille, que des intentions très vagues et jusqu'alors extrêmement peu matrimoniales. Il accepta parce qu'une partie bizarre lui paraissait engagée entre ces deux femmes et qu'il était curieux d'en connaître le dénouement. On se sépara, et notre fonctionnaire, en battant le pavé de sa canne, se prit à regarder les astres. Quand il eut marché environ 20 minutes, ses idées, qui s'étaient probablement tassées dans son esprit, à la façon des effets dans une malle, prirent une forme distincte. « Ce sont de bien jolies femmes, » se dit-il en souriant aux chastes étoiles, « et ce serait vraiment bien surprenant si sur les deux il ne m'en revenait pas au moins une. » La jalousie, le dépit, la vengeance, c'est amusant de vivre. » Et Gustave Mirmon, une demi-heure après, mit la tête sur l'oreiller avec le calme heureux d'une bonne conscience.